You know how to take care of ox. Er weiß, wie er sich um uns zu kümmern hat. Amen. Everything else always work according to his plan, his purpose, his will. Alles wirkt immer nach seinem Plan, nach seinem Willen. Praise the Lord. Amen. We thank him that we know him. Wir danken ihm, dass wir ihn kennen. Nous sommes reconnaissants qu'on connaisse son nom. Amen. He helps us to know him. Er hilft uns, ihn zu kennen. Il nous aide à le connaître. He helps us to know himself. Er hilft uns, ihn selbst zu kennen. Il nous aide à le comprendre, à le connaître lui-même. We know him because of him. Wir kennen ihn wegen ihm. On le connaît grâce à lui. We know him because he revealed himself to us. Wir kennen ihn, weil er sich uns selbst offenbart hat. Et on le connaît parce qu'il s'est révélé à nous. Thank you, Father. Danke, Vater. Mm-hmm. Merci, Père. The only Father that is forever. Der einzige Vater, der für immer ist. Le seul Père qui est pour toujours. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. We still have our testimony, but the Lord also have a message for us. Wir haben unsere Zeugnisse und der Herr hat aber dennoch eine Botschaft für uns. Nous avons toujours des témoignages, mais Dieu a aussi un message pour nous. We'll quickly go through it and see if we can even give any testimony today. Wir werden durch die Predigt gehen und dann gucken, ob wir noch Zeit haben für ein Zeugnis. D'abord, je vais prêcher sur les messages pour nous voir si on a toujours le temps pour les témoignages. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If not, maybe postpone to Sunday. Sonst wird es auf den Sonntag verschoben. Sinon, on va donner les témoignages le dimanche. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Heaven work on our behalf. Der Himmel arbeitet für uns. Le ciel travaille pour nous, pour notre bien. Praise the Lord. Amen. Heaven work on our behalf. Der Himmel arbeitet für uns. Le ciel travaille pour notre bien. Just like children are sleeping, babies, they are sleeping, but their parents are busy working for them. So wie Kinder schlafen und ihre Eltern beschäftigt damit sind, für sie zu arbeiten. La même façon comme quand les enfants dorment, les parents travaillent pour les enfants. You know, little children, they are playing everywhere. They are just running up and down. But their parents are the mother is busy, their mothers are busy washing their clothes. Amen, preparing their food. Heaven. Know how to take care of his own. Kleine Kinder spielen und ihre Eltern machen sauber, räumen auf und kochen, damit es den Kindern gut geht. Und genauso ist es auch mit dem Himmel. Der Himmel versorgt, ist unser Versorger. Les enfants, ils jouent, ils dorment, mais les parents, ils préparent pour les enfants pour qu'ils aient quelque chose à manger, ils rangent la maison. Donc, oui. And if you look at the children, they are never worried. Wenn du dir die Kinder anschaust, sie machen sich niemals Sorgen. Et si on voit les enfants, ils se soucient jamais. They are not worried about I'm going to cook, I'm going to wash my clothes, I'm going to work so that I can get money. For them, it's just about just playing and depend on their parents. Die Kinder machen sich keine Gedanken über das Saubermachen, über das Kochen, über das Geld verdienen. Sie verlassen sich einfach auf ihre Eltern, dass sie das tun und sie genießen einfach ihr Leben. Et les enfants ne se soucient pas d'aller au travail pour gagner l'argent ou bien pour les vêtements. Non, ils sont toujours occupés de jouer avec leurs jouets, mais les parents ils font tout. And along the line, the parents are never angry that the children are not working with them. Und die Eltern sind nicht verärgert, dass die Kinder nicht mit ihnen arbeiten. Et les parents sont jamais fâchés que les enfants ne travaillent pas avec eux. They are so satisfied that the children they are playing. Running up and down or even sleeping. Zufrieden damit, dass die Kinder schlafen oder spielen oder einfach Zeit verbringen mit ihnen, weil während sie dann halt die ganze Arbeit tun. Et les parents, eux, sont toujours satisfaits que les enfants se reposent ou bien jouent parce qu'ils font tout pour ses enfants. No wonder he said, until we are like that, we are not even there. Kein Wunder, dass er sagt, erst wenn wir so wie die Kinder sind, heaven. Dann sind wir im Himmel. C'est ça pourquoi Dieu a dit, si nous ne sommes pas comme les petits enfants, là nous ne sommes pas aux cieux. Amen. Amen. Heaven is there for us. Le Himmel est là pour nous. Le ciel est là pour nous. If children can depend on their natural parents, how much more we are to depend on heaven. Wenn Kinder sich auf ihre natürlichen Eltern verlassen können, wie viel mehr sollten wir uns auf den Himmel verlassen? Si les enfants sont capables à faire confiance à leurs parents naturels, combien de plus on doit faire confiance à Dieu ou bien même aux cieux? Never forget that Christ is our heavenly world. Don't ever forget that. And remind yourself all the time. Vergiss niemals, dass Christus unsere himmlische Welt ist. Et n'oublie jamais que le Christ est notre monde céleste. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He prepared heaven for us from day one. Er hat den Himmel für uns vorbereitet von Tag 1. Il a préparé les cieux pour nous dès le premier jour. Amen. Mm-hmm. He did not create Adam into the earth. He created Adam into the heavenly world. Er hat Adam nicht auf die Erde erschaffen, sondern auf der himmlischen Welt. Et il n'a pas créé Adam sur la terre naturelle, mais il a créé Adam aux cieux. It was Adam that turned heaven to become earth through his disobedience. Aber Adam, is somebody getting it? Hat den Himmel zur Erde gemacht, durch sein Ungehorsam. Mais c'est Adam qui a causé le ciel que ça devient la terre à cause de sa désobéissance. And that's why, you know, until we are in that heavenly world, we cannot even enjoy Him. Erst wenn wir in der himmlischen Welt sind, können wir Christus genießen. Et jusqu'à ce que nous ne sommes pas au monde céleste, on ne peut pas profiter de Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. The Bible said we live in heaven and we should walk in heaven. Die Bibel sagt, wir leben im Himmel und wir sollen im Himmel wandeln. Et la Bible nous dit qu'on doit vivre dans les cieux parce que nous sommes in Galatians 5:25. Let's go there, please. Wir leben im Himmel und sollen darin wandeln. Also, Dieu a dit qu'on vit aux cieux, qu'on doit aussi vivre selon les cieux. Galatians 5:25. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. He is not talking about earthly. He's talking about heavenly. Wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Hier geht es nicht um das Irdische, sondern das Himmlische. Verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc ici, il ne s'agit pas des choses terrestres, mais des choses célestes. Everything should be of heaven. Alles sollte vom Himmel sein. Tout doit être du ciel. Amen. You know, Jesus came to teach us how to live heavenly world. Jesus kam und hat uns gezeigt, wie wir ein himmlisches Leben in der himmlischen Welt leben. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous montrer comment vivre au monde céleste. This is just introduction. I will just go through introduction today of what is coming. Das ist einfach nur eine Einleitung zu dem, was noch kommen wird. Et ça, c'est seulement l'introduction pour le message. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Amen. Until the testimony is finished. Amen. Bis die Zeugnisse vorbei sind. Jusqu'à ce que nous avons fini avec les témoignages. Amen. Amen. The kingdom of Christ. Das Königreich von Christus. Le royaume du Christ. Amen. Amen. My problem, man having problem, is not because Satan is strong. Though Satan is strong. Hat kein Problem, weil Satan stark ist. Und es ist Tatsache, dass Satan stark ist. L'homme n'a pas de problème parce que le diable est puissant, bien que le diable est aussi puissant. That man still have problem today. It's not because Satan is strong, though he is strong. Der Mensch hat heute keine Probleme, weil Satan stark ist. Denn er ist zwar stark, aber dennoch ist das nicht das Problem. L'homme n'a pas de problème parce que le diable est puissant, bien que le diable soit plus puissant, mais ce n'est pas le problème que l'homme a. Go to Matthew 12, please. Matthew 12. Matthew 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of a lot of things that we are planning and we are going through, the Lord wants me to preach this message. If not, I could have postponed it to Sunday. Amen. In vielen Sachen, die wir planen, die wir durchmachen, möchte der Herr, dass wir diese Botschaft hören. Sonst hätte ich diese Botschaft am Sonntag gegeben. Et à cause des choses que nous sommes en train de oui, de voir et de planifier. C'est ça pourquoi Dieu nous a donné ce message à prêcher. Matthieu 12, verset 29. He said, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first binds the strong man, and then he will spoil his house? Here Jesus is calling Satan a strong man. Hier nennt Jesus Satan einen starken Mann. Ici Jésus-Christ appelle le diable un homme fort. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. He's calling Satan a strong man here. Er nennt Satan hier einen starken Mann. Ici, Jésus-Christ appelle le diable un homme fort. So also it's Ephesians, Ephesians 6. Let us go to Ephesians 6. Ephesians 6. Ephesians 6. From verse 10. Ephesians 6, from verse 10. 10 to 12. Ephesians 6, verse 10 to 12. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord. Are you getting it? Mm-hmm. Be strong in Christ. Seid stark in Christus. The more it gets harder, the more you believe it. Umso härter es wird, umso mehr glauben wir ihm. Amen. Verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur, quand ça montre que si ça, les choses deviennent difficiles, vous devez même croire de plus. The more there is no natural hope any longer, the more we believe it. Umso mehr die natürliche Hoffnung schwindet, umso mehr glauben wir ihm. Et même si nous n'y a plus l'espérance naturelle, c'est là où on doit même croire de plus. Are you getting it? If you look at Abraham, there was, you know, he said, there was nothing to hope for. Wenn du dir aber anschaust, es gab nichts, worauf er hoffen konnte. Et même dans la vie d'Abraham, il n'y avait rien pour avoir de l'espérance. Praise the Lord. Hallelujah. That's in Romans 3. Let's go there, please. Put one finger here. You know, Ogira is always laughing when I say finger. My children. Praise the Lord. Amen. Romans. Amen. Praise the Lord. Amen. Romans 4, please. Not Romans 3. Romans 4. C'est Romans 4. Let us learn to always live in faith. Lasst uns lernen, im Glauben zu leben, im Himmel zu leben. Amen. Und wir apprendre de vivre aux cieux. Amen. Amen. Verse 18. 18. Romans 4, verse from 18. 18. He said, who against hope believe in hope? Against hope, nothing to hope for, but still believe in hope. Because Christ is our hope. He never fails. C'est Jésus-Christ qui est notre espérance, puis il n'échoue jamais. Against the natural hope, there was nothing to hope for naturally. Gegen die natürliche Hoffnung, es gab nichts mehr, worauf man hoffen konnte. Et dans verset 18, on a écrit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. On doit savoir que dans la vie d'Abraham, il n'y avait rien même de croire naturellement. Who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. There was nothing naturally to hope for. Es gab nichts, worauf er natürlich hoffen kann. Naturellement, il avait rien pour, pour croire, même pour espérer. Praise the Lord. Amen. Verse 20 says, stagger not at the promise of God. True unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. All this is there for us today. All this is for us today. Et tout ça, c'est pour nous aujourd'hui. Do we have a living God or not? Haben wir einen lebendigen Gott oder nicht? Nous avons un Dieu vivant ou pas? Is he the same yesterday, today and forever? Amen. Est-ce qu'il est le gleiche gestern, heute und für immer? Est-ce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Then let us believe him. Dann lasst uns ihn glauben. Alors on doit le croire. Verse 21. Have been fully persuaded that 21. What he had promised, he was able also to perform. Und völlig überzeugt, 21, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Vers 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. If the Lord does not want, whatever he does not want for us, we don't even want it. Was auch immer, was der Herr für uns nicht will, wollen wir auch nicht. Et ce que Dieu ne veut pas pour nous, nous, ce ne veut pas pour nous. Praise the Lord. Verse 22. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Now, it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, all of us, to whom it shall be imputed if we believe. If we believe like him, or him that raised up Jesus, our Lord, from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Praise the Lord. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, back to Ephesians 6, please. On rentre à Ephésiens 6. Verset 10. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Are you getting something here? He wants us to be strong. Möchte, dass wir stark keep sind. On believing him, please. Ihm weiterhin glauben. Dieu veut qu'on soit fort en lui et on doit continuer à lui croire. Amen. Amen. He said, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. He said they are powerful. Er sagt, sie sind kraftvoll. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et la Bible nous dit qu'ils sont aussi puissants. You know, the Bible never said Satan is not powerful. Die Bibel sagt niemals, dass Satan nicht kraftvoll ist. Et la Bible ne dit jamais que le diable n'est pas fort. He is powerful, but he does not have salvation. Er ist kraftvoll, aber hat keine Rettung. Il n'est pas puissant, mais n'a pas. Il est puissant, mais n'a pas le salut. Amen. He is powerful before man. Er ist stark not vor before Menschen, Christ. Aber nicht vor Christus. Devant l'homme, il est puissant, mais pas devant Jésus Christ. Amen. He said, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Amen. Again, he said, they are strong. Satan has power before man. Et le diable a le pouvoir devant l'homme. But not before Christ. Aber nicht devant Christus. Mais pas devant Jésus-Christ. You know, let me say this again. Man have a problem. What man call problem is not because Satan is strong, but because man refused to submit to Christ. Dass der Mensch Probleme hat, das, was er Probleme als Probleme bezeichnet, ist nicht, weil er Satan stark ist, sondern weil der Mensch sich nicht auf Christus verlässt. Amen. Et, que l'homme a des problèmes, ce n'est pas basé sur la puissance du diable, mais c'est parce que l'homme ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ. James 4, please. Jacques 4. Jacques 4. James 4, 7. Folge 7. Are we there, please? Submit yourself, therefore, to God. Submit to Christ. Gib and that is how you are going. You can resist the devil. So wird der Satan vor dir fliehen. Verses 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Praise the Lord. He's telling you that Satan is strong, but not before Christ. Mm-hmm. Hier steht, dass der Satan stark ist, aber nicht gegenüber Christus. Ici on a écrit que le diable est puissant, mais pas devant le Christ. And it means the only one, the only just one person can save you. That is Christ Jesus. Der einzige, der dich retten kann, ist Christus Jesus. Il y a seulement une personne qui peut te sauver, c'est Jésus Christ. No matter how strong things are. Egal wie groß oder stark die Dinge sind. Et n'importe comment les choses sont puissantes. Whatever it is. Auch immer es ist. N'importe qu'est-ce que c'est. There's one stronger than him. Eine stärker als all das. Il y a une personne qui est plus grande que cette chose. And that is Christ Jesus. Und das ist Christus Jesus. Cette personne, c'est Jésus Christ. Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. In Luke 10, verse 18. Lukas 10, vers 18. Luke 10, verse 18. Here the Bible says Satan is out of heaven. Er sagt, wie dass der Satan raus aus dem Himmel ist. Et on a écrit ici que le diable n'est plus aux cieux. Here he's telling us that the only place that is free to live is heaven. If somebody gets it, let's go there. Luke 10. Ist der Himmel. Lukas 10. Donc ça nous montre que le seul endroit où tu peux être libre pour vivre et pour profiter de la vie, c'est le ciel. Verse 18 of Luke 10. Lukas 10, Vers 18. Luke 10, Vers 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. You can see here, the Lord is telling us that he's revealing something to us, that the only place that is free for us to live and enjoy is heaven. Der Herr von Basen ist der einzige Ort, der frei zum Leben ist, der Himmel. Donc la Bible nous révèle que le seul endroit où on peut vivre dans la liberté du Christ, c'est le ciel. Praise the Lord. Mm. And also in Revelation 12. Are we to go there? Let's go there. Amen. Revelation 12. Apocalypse 12. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it, please? Amen. Again, from 7 to 12. And there was war in heaven. Set at loose. Praise the Lord. Hallelujah. Heavenly war. Heavenly war. There was war in heaven. Es gab eine Krieg im Himmel. Une guerre céleste, donc il y avait une guerre dans le ciel. You know, if you just imagine how that war will be. If there's war here on earth, you can see how things are. Mm-hmm. How much more in heaven. Mm-hmm. And there was, you know, he said there was war in heaven. Wenn es Krieg hier auf Erden ist, wisst ihr, wie schlimm und schrecklich das sein kann. Geschweige denn, wenn es einen im Himmel gibt. S'il y a la guerre ici sur Terre, on peut voir comment c'est vraiment terrible, comment ça tue les gens. Imaginez-vous maintenant comment ça a été quand il y avait la guerre dans le ciel. He said Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. The dragon is Satan, the devil. He has angels also. Il hat auch Engel. En verset 7, on peut voir que le dragon, c'est le diable, puis là aussi ses anges. That you have, you know, that you see angels, does not mean it's not coming from Christ. Dass du Engel siehst, heißt es nicht, dass diese Engel von Christus sind. Que tu vois des anges, ça signifie pas que ces anges-là sont du Christ. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That angel speaks to you, does not mean that angel is of the Lord. Dass Engel zu dir sprechen, heißt nicht, dass diese Engel vom Herrn sind. Que les anges... te parle, ça signifie pas que sont les anges de Dieu. Amen. Amen. That you hear the voice of the Spirit does not mean it is the Holy Spirit. There are other spirits, there are thousands, millions, that can also, they have voice. Mm. And their voice can even look, sound like that, the voice of the Holy Spirit. Dass du eine Stimme hörst, heißt nicht, dass du die Stimme des Heiligen Geistes hörst, denn es gibt tausende von geistlichen Stimmen, die sich vielleicht sogar auch anhören wie der Heilige Geist, aber sie sind es nicht. Et que tu entends la voix d'une d'un esprit, d'un esprit, ça signifie pas que c'est le Saint-Esprit, car il y a beaucoup des esprits qui peuvent même imiter la voix du Saint-Esprit. You know, the Lord wants us to have discerning spirit, to discern the spirit. And how to discern the spirit is by knowing the truth. Without the truth, you cannot discern any spirit. Der Herr will, dass wir Geister unterscheiden können, aber ohne what Christ called the truth. Den Herrn können wir Geister gar nicht unterscheiden. Also ohne die Wahrheit können wir Geister nicht unterscheiden. Et Jésus-Christ, il veut qu'on soit capable de discerner des esprits, parce que sans la vérité, on ne peut pas être capable à discerner des esprits, c'est seulement à travers la vérité. To discern any spirit is not by hearing any voice. Einen Geist zu unterscheiden, die Geister unterscheiden, macht man nicht, indem man eine Stimme hört. Discerner un esprit, ça ce n'est pas fait à travers entendre une voix. It is by knowing what Christ called the truth. Das geht nur durch das, was Christus die Wahrheit nennt, das zu verstehen, das erkennen. Tu peux seulement discerner un esprit à travers la vérité de Jésus-Christ, donc à travers donc ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8, and prevail not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth. Is somebody getting something? Wurde hinabgeworfen auf die Erde. Il a été jeté sur la terre. Was cast out of heaven. Aus dem Himmel heraus. Il a été chassé du ciel. Amen. And his angels were cast out with him. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down. We shall excuse them before our God day and night. Praise the Lord. I hope you know, understand here how he accused you. Ich hoffe, ihr wisst, wie ihr euch versucht zu verklagen. Et j'espère que vous comprenez comment le diable essaie de vous accuser. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, the Lord said, if you disobey me, I will make sure you die. Der hat gesagt, remember Genesis. Ihr mich missachtet, werde ich sicherstellen, dass ihr sterbt. Das hat zu Adam gesagt, in 1. Mose. Et dans Genèse, Jésus, Dieu a dit, si vous me désobéissez, je veux faire tout que vous mourrez. And Satan is using that a lot. Und Satan nutzt das. Et le diable... Il utilise ça beaucoup. Amen. Anytime, you know, Satan knows you very well. He knows the what you know when you have his own property and you are acting according to his ways. Und auf seinen Wegen. And he goes to God and says, he's disobeying you. Why don't you kill him? Und geht zu Gott und sagt, hat dich wieder missachtet. Wieso tötest du ihn nicht endlich? Et le diable te connaît pendant beaucoup, il connaît tes chemins. Donc si tu désobéis Dieu, il va même aller t'accuser devant Dieu pour dire, tu vois ton fils, mais ta fille t'est désobéi. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is our salvation and strength. Sorry. Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down. We shall accuse them before God, before our God day and night. Verse 11. You promise that you will kill them. Du hast versprochen, dass du sie tötest, if they disobey you. Wenn sie dich missachten. What are you still waiting for? Worauf wartest du denn noch? Donc, Jésus-Christ a... Why don't you keep to your promise? Wieso hältst du ein Versprechen nicht? Donc, quand, c'est comme si le diable dit, c'est toi la personne, Dieu, qui a promis que l'homme va mourir s'il te désobéit, alors pourquoi tu ne tiens pas tes promesses? Praise the Lord. Amen. We thank Jesus that he sees our blood. wie danken Jesus, Herr, dass er sein Blut an uns sieht. Amen. Mais c'est seulement le sang de Jésus-Christ que Dieu peut voir en nous. Amen. Amen. Amen. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Verse 12. Therefore rejoice, you heavens. Praise the Lord. Hallelujah. And you that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. The true God children are not going to heaven. Die wahren Kinder Gottes gehen nicht in den Himmel. Les vrais enfants de Dieu ne partent pas aux cieux. Because we are already in heaven. Wir sind schon im Himmel. Parce que nous sommes déjà aux cieux. We never pray to go to heaven. Wir beten nicht dafür, in den Himmel zu gehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And the truth that Jesus said will make us free. Und es ist die Wahrheit, die uns frei machen wird. Et c'est la vérité que Jésus-Christ a dit qui va nous libérer. Amen. You better walk by Christ. Wandle bitte in Christus. Tu dois marcher selon le Christ. Amen. Mm-hmm. You know, those people, you know, people always think that it's people that have everything, you know, have money, have children, have wives, that are already in heaven. You know, when you get to their house, everywhere so beautiful, you say, this is heaven. And they say, this is heaven. There was a time I heard that, you know, a house was so beautiful in Benin, and they now say there is heaven in Benin City. Because a house and a building was, everything inside was so beautiful. They now said, there is heaven in Benin City. You know, what can see what man call heaven? Genau, für Menschen heutzutage sind Orte, sind Dinge, Besitz, Reichtum, für sie ist das die Bedeutung von Himmel, ne? Eine Ehe haben, Kinder haben, ein wunderschönes Haus haben, Autos haben, all diese Dinge sind für sie die Bedeutung des Himmels. Genauso wie auch, ich weiß noch, in Benin gab es mal eine Person, die ein richtig schönes Haus hatte. Die Leute haben dann gesagt, dass es den Himmel jetzt auf Erden in Benin gibt, sozusagen, weil es so ein wunderschönes Haus in Benin City gibt. Und so verblendet sind halt die Menschen, dass sie den Himmel einfach auf Besitz reduzieren. Et pour les gens, les cieux sont des choses matérialistes. Donc, si tu es marié, tu as une femme, des enfants, une grande maison, c'est là où les gens disent, bon, ça c'est vraiment le ciel, ça c'est vraiment le paradis. Et même au Bénin, donc au Nigeria, il y avait aussi une grande maison où les gens disaient, bon, il y a le ciel ici sur, oui, ici au Nigeria, oui, au Bénin. You know, when Lazarus was here, he was already in heaven. Als Lazarus hier auf Erden war, war er schon im Himmel. Et quand Lazare était ici sur terre, il a déjà été aux cieux. And the rich man was already here, in spite of everything he had. Et l'homme riche était déjà en enfer malgré tout qu'il avait. Praise the Lord. Amen. Remember the Lord's prayer. Erinnert euch an das Vater unser. Et rappelez-vous à la prière de notre Père. In Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. Let's go there. Let's go there, please. Let us go there. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6. From verse 8. Matthew 6, von Vers 8. Matthew 6, verse 8. 8 to 10. 8 bis 10. 8 and 10. Or if you let's just read from verse 7, so that it'll be straightforward. He said, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard from their much speaking. Verse 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have. He have. You have need of. You have need of. Before you ask him. Then in verse 9 he said, no. After this manner, therefore, pray ye. Our Father which is in heaven. Not our Father that is here on earth. Our Father which is in heaven. Which is in heaven. Der du im Himmel bist, nicht der du auf Erden bist. Donc, ici on a écrit, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux et pas notre Père qui est sur terre. Hallowed be your name. Verse 10. This. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Your will. And below. To be done on earth. So, it means heaven to come here. Dass der Himmel hier auf Erden sein soll. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc que le ciel vienne ici sur la terre. Heavenly will to come here. Der himmlische Wille soll to be done here. Er soll sich hier auf Erden manifestieren. Que la volonté céleste se manifeste ici sur la terre. He said, pray heaven to come to earth. And not you to go to heaven. Bete, dass der himmlische Wille sich except if you are not saved, truly saved. Dass du in den Himmel gehst. Donc Jésus-Christ nous dit ici de prier que que le ciel soit sur la terre et pas que nous on part aux cieux, sauf si nous ne sommes pas sauvés. C'est là où on doit prier comme ça. You know, when was Satan defeated? Wann wurde der Satan besiegt? Quand, c'est quand le diable a été vaincu. Amen. We should. It is very important we know when Satan was defeated. C'est wichtig, dass wir wissen, wann der Satan besiegt wurde. On doit savoir quand le diable a été vaincu. Amen. Amen. He was defeated when he was cast out of heaven. Er wurde besiegt, als er aus and dem Himmel no, it was not when Jesus came to die for us. Und nicht als nicht erst als Jesus für uns gestorben ist. Et c'est donc le diable a été vaincu quand il a été chassé du ciel et pas quand Jésus-Christ est venu ici pour être mort pour nous. Remember Revelation 12 again. Et you still remember? We just read it. Satan was defeated. Der Satan wurde besiegt. Le diable a été vaincu. He was out of heaven. Er wurde aus dem Himmel verbannt. Il a été chassé du ciel. Because heaven is made for us. Weil der Himmel für uns gemacht ist. Parce que le ciel est pour nous. The problem today is because it's just that people are not in heaven. Das Problem ist, dass Leute nicht im Himmel sind. Mais le problème est que les gens ne sont pas au ciel, mais sont ici sur la terre. Sie sind nicht himmlisch gesinnt, sie sind hier auf Erden. Amen. Amen. The only free place is heaven. Ist der Himmel. Le seul endroit qui est libre, c'est le ciel. He does not have any access to heaven. Er hat keinen Zugang in den Himmel. Parce que le diable n'a pas l'accès au ciel. Praise the Lord. Amen. Christ's heavenly world. Die himmlische Welt von Christus. Le monde céleste de Christ. That Jesus brought. Jesus gebracht hat. Que Dieu, Jésus-Christ a amené. Is the only free country. Ist der einzig freie, das einzig freie Land. C'est le seul pays libre. Amen. Amen. Free from all, from Satan and his lies. Frei vom Satan und seinen Lügen. Libre de du mensonge du diable. Amen. Amen. Free from whatever, you know. From worries. Frei von Sorgen. Until you better learn how to live in this heavenly world. Lernen diese himmlischen Welt. Because it's only there that is free. Denn nur dort ist Freiheit. Also, tu dois apprendre comment vivre aux cieux parce que c'est seulement là-bas où il y a la liberté du Christ, où il n'y a pas de soucis ou bien la peur. Amen. Again in Ephesians 6. If we read, if you read it to verse 18, from 10 to 18. 10 bis 18. Merci. Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 10 à 18. Amen. And if you go there and read it, you see that the Lord is telling us that Satan is out of our heavenly world. Wenn wir das lesen, dann erkennen wir, dass der Satan raus ist unserer himmlischen Welt. Et si on lit ces passages, on peut voir que le diable a été chassé de notre maison qui est le ciel. Praise the Lord. Again, when was Satan defeated? Before Colossians 2, he was already defeated. You remember Colossians 2, verse 14 and 15. When Jesus died, he went to... Let's go there. Colossians 2. Même avant Colossiens 2, le diable a déjà été vaincu. On va lire maintenant Colossiens 2. When he was crucified. Amen. Mm-hmm. He went to Satan to take everything from him. Er ist zum Satan gegangen, um ihn alles von ihm zu nehmen. Et quand Jésus-Christ est mort, donc quand il a laissé sa vie pour nous, il est parti chez le diable pour lui confisquer tout qu'il avait. Praise the Lord. Colossians 2, verse 14 and 15. Colossians 2, verse 14 and 15. He said, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Verse 15. Yes. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was already defeated even before this time. Er wurde schon besiegt, sogar vor dieser Zeit. Donc le diable a déjà été vaincu même avant cette période. He has been a loser before this time. Er war schon vorher ein Verlierer. Donc le diable a toujours été un perdant. He was already out of heaven. Er war schon raus aus dem Himmel. Il a été chassé de cieux. Heaven was no heaven. Have been free for us. Der Himmel ist before this time. For uns. Et depuis là, le diable, le ciel est déjà a été libre pour nous. Amen. Amen. And that is why the old they were able to have victory. Und deswegen, the old people like Elijah, Elisha, im alten Bündnis because Satan has been driven away from heaven. Den Sieg zu haben, weil der Satan vom Himmel verbannt wurde. Et même dans l'ancien, les gens comme Élisée pouvaient avoir la puissance parce que même là, le diable a déjà été vaincu parce que le diable a déjà été chassé du ciel. And that is why until you come to that position of living in heaven, you cannot do, the Lord cannot do anything with you. Erst wenn du in diesem himmlischen Modus in diesem Modus, wo du im Himmel lebst, dann kann der Herr erst wirken. Amen. Et seulement là, seulement quand tu vis dans la position où tu vis aux cieux, c'est là où le c'est là où Dieu peut t'utiliser. S'il ne peut rien faire avec toi. Praise the Lord. Amen. Again, Satan was already defeated before the coming of Jesus. Der Satan wurde schon besiegt vor dem Kommen von Jesus Christus. Et le diable a été déjà vaincu avant la mort de Jésus-Christ. He was defeated when he was cast out of heaven. Er wurde besiegt, als er aus dem Himmelreich verstoßen wurde. Et il a été vaincu quand il a été chassé du ciel. Amen. You know, people are not conscious of that at all. Und Leute, ist das nicht. They are not aware of that at all. For them, it's when Jesus came. And that's why they still live here. People are still living here. Und deswegen leben Leute immer noch hier. Et oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ce fait parce que c'est ça pourquoi aussi les gens ils vivent toujours ici sur terre parce qu'ils pensent que le diable a été vaincu quand Jésus-Christ est mort pour nous et pas quand le diable a été chassé du ciel. Praise the Lord. Again, he was defeated when he was cast out of heaven. Er wurde besiegt, als er aus dem Himmel verbannt wurde. Il a été vaincu, donc le diable, il a été vaincu quand il a été chassé du ciel. Heaven is the only free place for us. Der Himmel ist der einzig freie Ort für uns. Et le ciel est le seul endroit qui est libre pour nous. Praise the Lord. Alleluia. For the Lord, you know, for God to walk with man. Dass der Mensch mit Gott gehen kann. Oder dass Gott mit den Menschen gehen kann. Amen. To walk. Again. To move. To do anything with man. Et pour que Dieu puisse marcher avec l'homme. He must first of all bring man to that heavenly position. Where is he in heaven? Muss er den Menschen auf diese himmlische Ebene bringen. Dieu doit tout d'abord amener l'homme, ou bien mettre l'homme dans la position où il se trouve aux cieux. If you remember the old Elisha and his servant. Praise the Lord. Amen. Elijah und seinem Knecht. Et même dans l'ancien, on peut voir ça dans la vie d'Élisée, ou même d'Élie, donc surtout Élisée et son serviteur. You know, their period was before the coming of Christ. Diese Zeit war vor dem Kommen von Christus Jesus. Et leur temps a été même avant. Is somebody getting something? Mm-hmm. Amen. Their period was before the coming of Christ, but it was after the defeat of Satan. He was cast out of heaven. But was already out. Nach der Verbannung des Satans aus dem Himmel, also nach der Verbannung Luzifers aus dem Himmel. Donc les temps d'ancien a été avant la avant le règne de Jésus-Christ ici sur terre, mais ça a été aussi après après la le défi du diable. The difference between we and the old is that they visit there. They visit heaven. Where we live there. Den Menschen im alten Bündnis und wir Kinder Gottes ist dass sie dort diese Ebene besucht haben, wir leben im Himmel. Et la différence entre l'ancien et le nouveau est que l'ancien visitait les cieux, mais nous les gens qui vivent dans le nouveau, nous on vit dans les cieux. It is a pity that those that visit even understand it more than those that are supposed to live there. Ja, aber es ist schade, dass die Leute, die diese Ebene, himmlische Ebene immer nur besucht haben, noch besser dort leben können, verstehen können, dort zu leben, als die Leute, die dort eigentlich wohnen. Et c'est pitié que les gens qui visitaient les cieux ont été capables de comprendre même les cieux plus que les enfants de Dieu qui sont sauvés et qui devaient même vivre dans les cieux. We are able to live in the, live there in heaven because of the blood. But we are not conscious of it at all. Et nous sommes capables, nous avons la grâce de vivre aux cieux à travers le sang de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas conscients de ce fait du tout. We are not conscious of the finished work. Uns ist das fertige Werk von Christus Jesus nicht bewusst. Nous ne sommes pas conscients de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. For him to walk with man, he first bring them to heaven. Bevor er mit den Menschen gehen kann, musste er sie in den Himmel bringen. Avant que Dieu marche avec l'homme, il doit positionner l'homme dans le ciel. The heaven that Christ brought for us here on earth. Der Himmel, den Christus Jesus hier auf Erden gebracht hat. Les cieux que Jésus Christ nous a amené ici sur terre. Remember Matthew 4 verse 17. Erinnert an Matthäus 4 Vers 17. Rappelez-vous à Matthieu 4 verset 17. Repent for the kingdom of heaven. Tut Buße, denn das Königreich des Himmels ist nah. Repentez-vous car le royaume est proche. He brought this heaven out of this heaven he cast out Satan. And he now brought this heaven to us here. Aus diesem Himmel hatte er den Satan verbannt und uns hat er dann auf diese himmlische Ebene gebracht. Donc Dieu a d'abord chassé le diable du ciel, après il nous a amené le ciel ici sur terre. Christ brought to us where Satan was cast out. Christus wurde zu hat uns dorthin gebracht, wo der Satan ausgetrieben worden ist. Donc Jésus-Christ nous a amené dans l'endroit où le diable a été duquel le diable a été chassé. We must know and understand how to live in that very place. Wir müssen wissen und verstehen, wie man in diesem Ort lebt. Et on doit comprendre et savoir comment on vit dans les cieux. Amen. That this very place that Christ brought to earth. Der Ort, den Christus auf die Erde gebracht hat. Donc l'endroit que Jésus-Christ nous a amené c'est sur terre. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, it is only in heaven that we have freedom. Nur im Himmel haben wir Freiheit. Seulement au ciel nous avons la liberté. It is only heaven that is free from Satan. Et nous, le Himmel ist frei von Satan. Le ciel est libre du diable. Amen. Mm-hmm. And heaven is not before, it's not after death. Und dieser Himmel ist nicht nach dem you Tod live erst, sondern du lebst dort. Et le ciel from now, from here. Et le ciel ne commence pas après la mort. Non, ça commence d'ici. The devil has been defeated, yes. But not here on earth, only in heaven. Aber nicht hier auf Erden, nur im Himmel. Et le diable a été vaincu aux cieux et pas ici sur terre. He's only out of heaven and not out of the earth. He's still sound and well here. Er ist nur besiegt aus dem Himmel, aber noch nicht besiegt auf Erden. Er ist hier auf Erden noch sehr kraftvoll. Et le diable a été vaincu aux cieux, oui, mais il n'a pas été vaincu ici sur terre. C'est ça pourquoi il est toujours puissant ici sur terre. And that's why the reason, no, you can see the reason why Jesus have to bring heaven to us here. Und deswegen muss Jesus den Himmel zu uns bringen. Because no one can be saved here on earth, because Satan here belongs to Satan. Weil niemand hier auf Erden errettet werden kann, weil diese Erde dem Satan gehört. Aber deswegen hat Jesus sein Himmelreich hingebracht. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ devait amener le ciel ici sur terre, c'est parce que c'est seulement au ciel où le diable a été vaincu. Again, Matthew 4, verse 17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tu pousses, das Königreich der Himmel ist nah. Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. And look for verse 5. Let's go to this very one. Look for. Lucas 4. Luc 4. Praise the Lord. Amen. Look for Lucas 4. Verse 5. Verset 5. And the devil taking him up into an high mountain. Praise the Lord. Amen. Amen. And show unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. The kingdoms. Donc le diable a montré Jésus-Christ les royaumes de la terre. He showed him different countries, but not the kingdom of heaven, but the kingdom of this world. Everything you can see, you know, Satan showed him everything and said, "They all belong to me." And Jesus did not say, "You lied," because they truly belong to him. But there's a place that does not belong to him, which is the kingdom of heaven. How many are conscious of it today? Und der Satan hat ihnen verschiedene Reiche gezeigt, irdische Reiche, Reiche, aber nicht das Königreich von Christus Jesus, weil das gehört nicht zu ihm. Wie viele Leute sind sich im Königreich von Christus Jesus bewusst? Et dans Luc 4, où Jésus-Christ a été tenté du diable dans le, au désert, le diable a montré Jésus-Christ tous les royaumes de la terre et pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que les royaumes de la terre appartiennent au diable, et c'est ça pourquoi même Jésus-Christ il n'a rien dit, il n'a pas dit non, les royaumes de la terre ne t'appartiennent pas. Und Jesus hat nicht gesagt, dass der Satan ein Lügner ist, dass ihm diese Reiche der Welt nicht gehören, sondern er weiß es, dass es stimmt, aber das Königreich des Himmels, das gehört ihm nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Again, Satan showed Jesus all the kingdoms of the earth. We are not of them. They don't belong to us. What belongs to us is the kingdom of heaven. He cannot show that to anybody. Wir gehören nicht zu den irdischen Reichen. Ne? Die irdischen Reichen können er jedem präsentieren und zeigen und anbieten, aber das Königreich von Christus Jesus, zu dem wir gehören, das kann er niemandem anbieten. Encore, le diable a montré Jésus-Christ tous les royaumes de la terre, mais ne pouvait pas montrer le royaume des cieux parce qu'il a été, vaincu au royaume des cieux. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes capables à montrer les gens le royaume des cieux parce que ça appartient à Jésus-Christ et le diable n'a pas le droit d'entrer, mais de montrer les gens le royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven is our kingdom. Das Königreich des Himmels ist unser Königreich. Le royaume des cieux, c'est notre royaume. And Satan cannot even brag of it. Und er sagt, no, here is brag of the kingdom of this world. But not our kingdom. Satan prahlt mit den Reichen dieser Welt, aber er kann nicht mit unserem Reich, dem Königreich von Christus Jesus, prahlen. Et le diable, il, oui, il, il peut pas être fier du royaume de Dieu. C'est nous les gens qui peuvent être fiers du royaume de Dieu. Lui, il est seulement fier du royaume de ce monde. Praise the Lord. Amen. We must learn how to live there. Wir müssen lernen, wie wir dort leben. On doit apprendre comment vivre là-bas. Until we are there and know how to live there, we are never free. Erst wenn wir dort sind und dort wissen, wie wir leben, erst dann sind wir frei. Jusqu'à ce qu'on vit au royaume de Dieu, nous ne sommes jamais libres. Amen. The Bible said everything they are reserved for us there. Die Bibel sagt, alles ist für uns dort reserviert. The book of Peter. Au livre de Pierre, on a écrit que tout a été réservé pour nous aux cieux. Praise the Lord. Amen. Amen. And you know, Colossians say we are to always look on today. Colossians 3. 1 to 3. You see it there. He said, always look on today. Just like Jesus, when he was going to feed 1,000, he looked unto heaven. Remember heaven. Let us remember. Let us remind ourselves of heaven. All the time. Et même dans Colossiens, on a dit qu'on doit seulement voir le royaume de Dieu, on doit seulement voir Jésus-Christ, parce que tout a été préservé pour nous au royaume de Dieu. C'est ça pourquoi on doit toujours se rappeler l'un et l'autre au royaume de Dieu. Amen. What man call problem is what Satan call problem. And what Satan call problem is what man call problem. But that is not what Christ call problem. Was Menschenproblem nennt, ist das, was der Satan Problem nennt. Was der Satan Problem nennt, ist das, was Menschen Problem nennen. Aber es ist nicht das, was Jesus ein Problem nennt. Ce que l'homme appelle un problème, c'est ce que le diable appelle un problème. Et ce que le diable appelle un problème, c'est ce que l'homme appelle un problème. Mais c'est jamais ce que Jésus-Christ appelle un problème. You can see what man call problem. We don't have money. We don't have this. We don't have food. You can see it. Praise the Lord. Das, was der Mensch als Problem betrifft, that's why exactly what Satan called problem. Dass man kein Geld hat, kein Essen hat, keine Freunde hat, keine Familie, das nennt der Satan auch ein Problem. Donc, pour l'homme, le problème sont comme, par exemple, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas une maison, tu n'as pas une femme, tu n'as pas des enfants. Et c'est ça, c'est ce que l'homme appelle, ou bien le diable appelle comme problème, voire comme problème. That is what Satan, you know, we want you to call problem. Das ist das, was der Satan, was der Satan auch möchte, dass du als Problem siehst. Et c'est ça ce que le diable veut que tu vois comme problème. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Rejecting and ignoring Christ is what Christ called problem. Jesus Christus verweigern, don't ignorieren, ignore das ist problem. Don't ignore heaven. Ignoriere nicht den Himmel. Que tu ignores Jésus-Christ et que tu ne crois pas Jésus-Christ, que tu rejettes Jésus-Christ, c'est ça ce que Jésus-Christ appelle un problème. Donc c'est ça pourquoi tu ne dois pas rejeter ni ignorer Jésus-Christ. Yes, you know, the only problem we have is when we forget heaven. Das einzige Problem, was wir haben, ist, wenn wir den Himmel vergessen. Et le seul problème que nous avons, c'est quand on oublie le ciel. The only problem we have is when we forget our home. Wenn wir unser Zuhause vergessen. Et le seul problème que nous avons, c'est quand on oublie notre maison. Let us learn to remember heaven. Lass uns lernen, unser Zuhause nicht zu vergessen. On doit apprendre de se rappeler de notre maison. Den Himmel nicht zu vergessen. Amen. Praise the Lord. He said rejecting or ignoring the truth. It's what Christ called problem. Ist das, was Christus ein Problem nennt. Rejeter ou bien ignorer la vérité, c'est ça ce que Jésus-Christ appelle un problème. John 14:6, he said, Christ is the truth. In Johannes 14:6 steht, dass Christus Jesus die Wahrheit ist. Dans Jean 14, verset 6, on a écrit que Jésus-Christ est la vérité. Christ's word is the truth. Das Wort von Christus ist die Wahrheit. La parole de Jésus-Christ est la vérité. Christ's word alone. Das Wort von Christus Jesus. Seulement la parole de Jésus-Christ. Is spirit and life. Ist Geist und Leben. That John 6:63. Et c'est les paroles de Jésus-Christ sont esprit et la vie. C'est ça ce qu'on a écrit dans Jean. All others are dead. Our flesh and death. Alles andere, jedes andere Wort ist Tod und Fleisch. Donc toute autre parole et oui, c'est charnel et c'est mort, c'est la chair et mort. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's word is what we preach here in this ministry. Das Wort von Christus ist das, was wir hier in dieser Gemeinde predigen. Ici dans cette église, on prêche seulement la parole de Jésus-Christ. Only Christ's word is Christ, the truth to us. Nur das Wort von Christus Jesus ist Christus Jesus, ist seine Wahrheit. Only his word is Christ, the truth. Nur sein Wort ist Christus die Wahrheit. Seulement sa parole c'est Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ est la vérité. His message is Christ the truth. Seine Botschaft ist Christus die Wahrheit. Son message est le Christ la vérité. I don't know if you understand. Praise the Lord. Hallelujah.